La pièce de théâtre « Lien de sang » est jouée dans la ville de Sullivan depuis le 22 janvier. Au spectacle assistent les cadres, les travailleurs, les jeunes étudiants de la province du fin et du nord et de la ville. La pièce montre le patriotisme, la fidélité et l'esprit des ouvriers du complexe de ciment de Sangwon qui soutiennent par l'augmentation de la production la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un qui réalise au plus haut niveau le vœu patriotique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour l'édification d'une puissance.